Fantan, e jantoni de una. Ne fantan. Ooh-wee! Hey, natembolo ke le ya jumine ka onye natembolo. Hey, natembolo ke le ya jumine ka onye natembolo. Ya jumine ka onye natembolo koko numbe shula. Kuruto numbe shula. Shumala numbe shula. Tamati numbe shula. Glorie numbe shula. Fiefie numbe shula. Jaba numbe shula. Tamati numbe shula. Hey, natembolo kele ya jumine ka onye natembolo. Jeneba, eh Jeneba, eh Jeneba tenia, fa de bila ne bi wele chien sa baye tena mina. Eh ne ko ibe wele muna re, ibe wele muna so, te ko ede lamine liwa. Eh ne de ta tenda bara, eh ningo ti lamine du, uan ti lamine ifra na. Hein, ja kele du ngu, ne ma doko kele du. Otmala nsegane ndumba ko fle baraka yoro la nan nga kila fene mo bena eh kila fene wa jay mak mau o yemu kila fene ne mak kila fene to bibi nta to bi sini nta to bi sini ngene fene eh kila fene te mbole ifana eh jene bak kila fene te e bulu muna ne man na songo de mawa eh al ne na songo de du na te mbolo na fente ya foi te mbolo ifana. Na fente bulu otmala na fente shula. Eh, wala yira ya ki fana samena. Ibe kiyana wa. Ma to bi ga bi, ntaka shini ntaka shini ngana fana. Ifana la la la la la. Wala akumona re, na de mere sarakima. Ifana na re, ntaka bi ga bi. Ifana na. Ishira mo gomu bare ta poko le ga to bi ga. Kamini dugu jara ne me. Ifana na re. Eh, natembolo kele ya jumine konyo natembolo. Hey, natembolo kele ya jumine konyo natembolo.

Baya jurutike, samba ye baya jurutike, samba ma baya jurutike. Samba ye baya jurutike, samba ye baya jurutike, samba ma baya jurutike. So ye baya juru la bula. Cadet a le ballon, Cadet a le ballon, il descend par le pied, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à Seiba, Seiba descend par le pied, il temporise, descend toujours, dribble, 1, 2, 3, Mana balonda, bide boro, boke mana balonda, Orike biri, kader mana welingo. Orike biri, ay mole. Jeli bayan kuna wolo, malire kuna wolo la. Ay mole, kuri janu bara bara ge, kudra jom bara bara ge. Jeli bakara bronda nari, malire kuna wolo la. Kuma fo bali fo mande, madaya ngakere fo bali do. Sate jom togi esno mari, sate jom togi blola kundi. Famosani famoso, fragulani framanyongo, siglangulani zuma belamina. Amore, kudum molola, jeliba kera warari, jeliba sera balona. Amore, jeliba sera balona, malidene kuno molola. Amore, malidene kuno molola, jeliba dirija anite, jeliba manata yora yora. Adi mona bando. Malidene kuno molola. Il donne à Seiba, Seiba descend, il évite son vis-à-vis, il passe à Mokéjane, Mokéjane qui est libre, descend, par le pied, cherche un partenaire, il trouve Kadergei, bien placé au bord de la Seiba de réparation, qui tente, Seiba descend, à côté, Kadergei, attention, c'est dangereux, il tire et c'est le but, c'est le but. Go! Dongo do na songobo. Dongo do na songobo. Dongo do fini kurasan. Dongo do fini kurasan. Dongo do sambarasan. Dongo do sambarasan. Sambarasan chaba bilala kojugula. Sambarasan chaba bilala kojugula. Nyabanyala musobo baraba. Nyabanyala musobo baraba. Nyabanyala wari tenne bolo. Nyabanyala wari tenne bolo. Muso, I am tore de sambala sa jabala la kujula. Nga auna la ni kiradu. Sambala sa jabala la kujula. Anjo antanta ya fanya fana haraka. Sambala sa jabala la kujula. Fabila du tu la vie. Ah, muso, a fe hinana, wari bana. escoa. Mademoiselle, dis-moi la vérité. J'ai une femme caméléon. J'ai une femme menteuse. Mademoiselle, tell me tout. J'ai une femme caméléon. Quelquefois elle est noire, quelquefois elle est blanche. Quelquefois elle est noire, quelquefois elle est blanche. N'est pas noir, à même pas blanc. Ce n'est pas noir, à même pas blanc. C'est toujours noir, ou bien c'est blanc. I got a black and white girl. J'ai une femme noire blanche. Mademoiselle, dis-moi la vérité. Mademoiselle, dis-moi la vérité. J'ai une femme caméléon. J'ai une femme menteuse. Black and white, tell me true. Black and white, don't deceive me. J'ai une femme caméléon. J'ai une femme menteuse. Quelquefois elle est noire, quelquefois elle est blanche. Quelquefois elle est noire, quelquefois elle est blanche. Ce n'est pas noir, en même temps blanc. Ce n'est pas noir, en même temps blanc. C'est toujours noir, ou bien c'est blanc. J'ai une femme noire et blanche. Sometimes she's black, sometimes she's white. Sometimes she's black, sometimes she's white. Ce n'est pas noir, en même temps blanc. Ce n'est pas noir, en même temps blanc. C'est toujours noir, ou bien c'est blanc. I got a black and white girl. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Hey. o muso otuma la mun kere la I be kule la ta mun kere la e ko sama de nga ba ya juru tigɛ muso otuma la sama e ka ba ya juru tigɛ nuko sama e ka ba ya juru tigɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a ka so kɔnɔ yan kɛ sama e ka ba ya juru tigɛ a ka so otuma nuko e muso furulen de fɔlɔ ubiyɛn I ma furu ne muso furulen de den bɛ n bolo Atanila. Otmala e muso furule munye se chegana nga sokono. E maro autaw yere bunya. Ne che boran kalamadi. Otmala I jota la ha. A jota la. A jota la. Otmala samba mapa ya juru foitike. Yeah. ya juro ti te samba ye ko yo juro ti samba ma ko ya juro ko ti so ya ya samba ma ko ya juro ko ti samba ma ko ya juro ko ti ye muso to ti ye ye muso to bu na alla tolo malo silamelo no mu alla malla bagnara amina ina nga duba buke yala samu suna nambara dabila amina aina nga duba buke yala samu suna yala fuda bila amina aina nga duba buke yala samu suna furu labato amina aina nga duba buke yala samu suna furu labato amina. Bismillah rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin alfa fatiha. Bismillah rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin alfa fatiha. Bismillah rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin alfa fatiha. Bismillah rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin alfa fatiha. Ho ho ho. Garabu. Ayah.